L'objet de ce livre, le propos, c'est l'analyse d'une crise. Une crise qui a lieu dans les années 70. Alors, c'est pas la crise économique, celle du fameux choc pétrolier, c'est une crise qui a lieu, qui commence avant. Avant la crise économique, qui lui fait souvent un rideau, qui la cache. Michel Foucault, à l'époque, confiait avoir le sentiment d'assister à une grande crise de gouvernement. Par crise de gouvernement, il ne faut pas entendre la crise du Conseil des ministres, de cette institution qu'on peut remanier plus ou moins difficilement, mais autre chose, Foucault disait à l'époque que l'on assistait à la remise en cause du gouvernement, compris en tant que l'ensemble des procédés par lesquels on guide, on conduit les hommes. De fait, partout, ça se rebiffait dans les usines, dans les universités, dans les familles, sous les drapeaux, dans les prisons. Aucune autorité, aucun rapport de domination n'était épargné par ce qui était vécu à l'époque, par comme une indiscipline, un mouvement d'insubordination généralisée. Alors, cette crise de gouvernabilité, de quel point de vue est-ce que je l'étudie ? Ce n'est pas du tout une histoire populaire de la crise de gouvernabilité, bien au contraire. J'essaye d'aller chercher dans des textes écrits par des intellectuels organiques des classes dominantes comment ce moment a été perçu, conçu, théorisé et problématisé par en haut. Or, vu par eux, vu par les classes dominantes, quel était le tableau, quelle était la situation ? Pour vous dire ça, je crois que la meilleure manière de commencer à le faire, c'est de vous faire part de l'affect, du sentiment qui les saisissait. Un sentiment crépusculaire, l'idée qu'on était arrivé à quelque chose comme la fin d'un règne, un sentiment de désarroi. Alors, juste un exemple. Il y a deux sociologues, David Fogel et Leonard Silk, qui à l'époque font une grande enquête, très détaillée, auprès des hommes d'affaires américains. Et leur conclusion, elle est la suivante. On constate, disent-ils, une profonde crise de confiance, un abattement, une mélancolie qui atteint cette classe-là. Les hommes d'affaires, je les cite, sont particulièrement pessimistes quant à l'avenir du système capitaliste. Ils ajoutent, il n'y a aujourd'hui, au milieu des années 70, dans la société américaine, qu'un seul groupe qui soit davantage convaincu que les hommes d'affaires américains d'assister à la fin du système, à son crépuscule, et ce sont les marxistes américains. Ce à quoi on avait le sentiment d'assister à l'époque, dans ces classes-là, c'est, pour reprendre le titre d'un mémorandum confidentiel qui est envoyé en 1971 par un juriste conservateur au vice-président de la Chambre de commerce américaine, c'est le titre de ce mémo secret, on a le sentiment d'assister à une attaque contre le système de la libre entreprise que l'on est en train de perdre, et de perdre faute de réagir. Et c'est ma thèse face à cette crise de gouvernabilité qui était perçue comme une menace sur la survie même du système capitaliste, s'est formée un contre-mouvement, une grande réaction dont nous ne sommes pas encore sortis. D'où le projet de ce livre et de cette enquête, revenir à ce moment-là, les années 70, donc si vous voulez, avant la mise en œuvre du grand programme néolibéral qui va déferler ensuite dans les années 80, à un moment d'invention, de réélaboration, pour étudier la façon dont on a essayé de répondre à cette crise, étudier et prendre à leur naissance la formulation de contre-stratégie, l'invention de nouveaux arts de gouverner destinés à regouvernabiliser une société qui menaçait de ne plus l'être gouvernable. Je crois que c'est important de le faire parce que ces arts de gouverner, ils s'appliquent encore à nous en permanence, on les subit, mais souvent dans l'oubli de leur origine et dans l'oubli des circonstances de leur formulation, mais aussi de l'intentionnalité qui les animait à l'origine et qui continue de les animer aujourd'hui. L'ensemble des textes que j'étudie dans ce livre, ils répondent d'une manière ou d'une autre à la question « que faire ?». Ce sont des textes stratégiques. Je veux faire une histoire de la formation de stratégie. Ça, je le fais avec principalement des textes puisés aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui sont les deux grands foyers d'élaboration de ces technologies et de ces tactiques, qui ensuite, très rapidement, s'étendent à l'ensemble du monde. Donc, je fais une histoire de la formation des stratégies, mais une remarque liminaire. Il ne s'agit pas pour moi de penser qu'il y aurait là derrière une sorte de comité central de la classe capitaliste qui, par le haut et d'un point unique, tirerait les ficelles. J'étudie les hésitations, les contradictions, les débats qui déchirent à l'époque ces classes-là. Ça, c'est très important parce que ça permet aussi, éventuellement, dans ces dissensions, de trouver des prises. Alors, le plan du livre, il s'organise à partir d'un angle que je choisis, que je découpe dans ces matériaux. Cette crise de gouvernabilité, elle a des aspects multiples. Il y en a autant que de rapports de pouvoir, et les retours de bâton auxquels on assiste sont tout aussi divers. Et moi, j'étudie plus spécifiquement ici la crise de gouvernabilité qui concerne l'entreprise, qui affecte l'entreprise conçue comme un gouvernement privé. Alors, l'entreprise comme gouvernement privé, qu'est-ce que ça gouverne ? Ben d'abord, les travailleurs, c'est la première partie. Ce à quoi on assiste à l'époque, ce sont à des disciplines ouvrières massives, du turnover, de l'absentéisme, des sabotages, des grèves sauvages, mais aussi, en 1970, un pic de grève qui est le plus élevé dans l'après-guerre aux États-Unis depuis 1945. D'où la question, comment faire pour rediscipliner les travailleurs, ceci alors même que les formes traditionnelles du gouvernement du travail sont remises en question et en crise complète. Mais si vous suivez la structure de l'entreprise, il n'y a pas simplement le rapport management-travail, mais sur l'axe de la subordination, le rapport manager-actionnaire. Et là encore, se posent des problèmes. Si vous voulez, l'une des grandes craintes à l'époque, c'est que les managers, les directions d'entreprise, qui après tout ne sont pas propriétaires, mais simplement gestionnaires, et n'ont pas d'intérêt personnel à suer sang et eau pour augmenter les profits ou maximiser la valeur actionnariale, se mettent à manquer de zèle, voire pire, à taper dans la caisse. Après le problème des travailleurs indociles, le problème des managers tirent au flanc. D'où le second problème, seconde partie. Comment faire pour rediscipliner les managers ? Comment faire pour aligner, réaligner, voire suraligner la gestion des entreprises sur le profit actionnarial ? Et là encore, on va se montrer d'une inventivité à toute épreuve. Ensuite, latéralement, nouveau front. Dans ces années-là, on assiste à la naissance de nouveaux mouvements sociaux, dont les mouvements écologistes, qui se mettent à cibler directement les directions d'entreprise depuis une autre position que d'en être les salariés. Or, ce type de conflit-là, une sorte de conflit social externe, le management n'y est pas du tout habitué. Je cite et j'étudie en détail le cas du boycott de Nestlé dans les années 70, où les PDG de Nestlé, là aussi pris par un grand désarroi, ont l'idée de recourir au service d'un psychanalyste pour essayer de régler le problème de la baisse de morale qui affecte les cadres face aux accusations du lait en poudre de Nestlé qui empoisonnerait les bébés en Afrique. Et très vite se pose la question, comment réagir face à ces mouvements qui nous prennent de surprise? Eh bien, on recourt au service de conseillers très spéciaux qui ont une formation militaire de renseignement et se met en place d'abord du contractivisme d'entreprise au carrefour entre les doctrines de la contre-insurrection et du management stratégique. Et c'est un nouveau front, penser ce qu'on appelle le management des problèmes et le management stratégique de l'environnement social. Et puis, quatrième axe, sous la pression de ces mouvements, le gouvernement, l'État, se met à réguler les entreprises. C'est ce qu'on a appelé les nouvelles régulations sociales et environnementales. On impose des normes de standards sanitaires, on taxe, et le business voit ces nouvelles régulations comme une menace sur ses profits, mais aussi sur sa liberté, sur la liberté même d'entreprendre. Figurez-vous, c'est dans ces années-là qu'on impose aux constructeurs automobiles de mettre de manière obligatoire dans toutes les voitures produites une ceinture de sécurité et un pot d'échappement avec filtre. On s'étrangle. Où va-t-on ? Si on continue sur cette pente, c'est la libre entreprise elle-même qui va être étouffée. Comment mettre en échec ces nouvelles régulations ? Comment aussi, parce qu'il n'y a pas que le niveau pratique et des niveaux théoriques, comment aussi réfuter les critiques écologistes naissantes du capitalisme. Le néolibéralisme théorique, à cette époque-là, se définit fondamentalement comme un anti-écologisme, et je montre ce mouvement de contre-offensive théorique. Alors, je ne vais pas vous parler de ça, mais comme ces points ce soir, je vais plutôt me focaliser sur la dernière partie qui traite du rapport à l'État, et plus particulièrement du concept central de libéralisme autoritaire. Alors, le point de départ de cette partie-là, c'est un texte assez célèbre qui a fait scandale au moment de sa sortie, un rapport paru en 1975 et publié par la Commission trilatérale. La Commission trilatérale, c'est un think tank conservateur qui réunit des intellectuels des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Donc, à ne pas confondre avec la tricontinentale, hein, Che Guevara, la Havane 66, c'est pas ça, mais ça répond en miroir, si vous voulez. C'est une phase dans laquelle on se met à constituer de nouvelles fondations, de nouveaux think tanks. Le Forum de Davos, c'est dans ces années-là aussi qu'il est mis sur pied. Des organes de réélaboration intellectuelle et de contre-offensive politique. Ce rapport-là, il est co-signé par quelqu'un dont vous avez entendu parler, Samuel Huntington. Vous le connaissez sans doute parce qu'il est l'auteur d'un texte fameux, Le choc des civilisations, en article de 1993. Et là, il co-signe la partie sur les États-Unis, dans ce rapport donc, qui s'intitule La crise de la démocratie, rapport sur la gouvernabilité des démocraties. Alors, la crise de gouvernabilité des démocraties, vue donc par les néoconservateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le diagnostic? Huntington parle d'un déferlement démocratique, un tsunami démocratique. Des groupes, je cite, des groupes qui étaient auparavant passifs ou marginaux aux États-Unis, dont les femmes, les noirs, les latinos, ces groupes-là se mettent à s'activer. Je cite encore Huntington, ils s'activent pour affirmer leur droit de participer à égalité, voire plus qu'à égalité, aux décisions qui les affectent. Or, ceci, cette prise de conscience et cette mobilisation démocratique en faveur d'une égalité de participation, l'intellectuel ou le conservateur, loin de s'en réjouir, ça l'inquiète au plus haut point. Pourquoi? Il donne plusieurs raisons. La première générale, c'est que cette affirmation politique des subalternes, de tout point, ce que ça produit d'abord, c'est, dit-il, une érosion généralisée de l'autorité. Je cite, dans la famille, dans l'université, dans les entreprises, la discipline s'est partout relâchée et les différences de statut se sont estompées. Et il faut de l'autorité, il faut des différences de statut. C'est la condition de l'ordre. Deuxième raison de cette inquiétude, ce déferlement démocratique, ça empêche, dit Huntington, le bon fonctionnement de la démocratie. En gros, l'idée derrière, c'est trop de démocratie tue la démocratie. Trop de démocratie tue la démocratie, mais dans cette formule, vous voyez que entre la première occurrence et la seconde occurrence du terme, entre démocratie 1 et démocratie 2, on a affaire à des homonymes qui n'ont pas le même sens. Rancière, dans La haine de la démocratie, a bien commenté ce point-là. Quand on dit « trop de démocratie tue la démocratie », ce que l'on veut dire, c'est quoi? C'est que la vigueur de la démocratie réelle, de la démocratie mouvement, menace l'ordre de la démocratie gouvernement, de la démocratie institution. Et l'idée sous-jacente de Huntington et des conservateurs avec lui, c'est qu'il est nécessaire de limiter la démocratie mouvement, la démocratie réelle, afin de préserver la démocratie institutionnelle, la démocratie dite démocratique. Et enfin, troisième raison, ce déferlement démocratique, qu'est-ce que ça produit? Ça ne se limite pas à perturber le bon fonctionnement de la démocratie, mais tendanciellement, ça rend la démocratie elle-même, dit-il, ingouvernable. C'est l'État lui-même qui devient ingouvernable, et depuis le départ, on était un peu prévenu, parce que la formule grammaticale nous l'indiquait quand on parle, quand on évoque la crise de gouvernabilité de la démocratie, on fait référence moins à la capacité d'un tel gouvernement à gouverner ses sujets, qu'à l'aptitude de ce gouvernement à être lui-même gouverné, à rester sous contrôle. Or, dans la situation, cause produit-il à leurs yeux, eh bien, dans cette crise de gouvernabilité, loin d'être paralysée, l'État réagit au contraire par une hyperactivité. Ça régule, ça taxe, ça intervient, son activité s'accroît et, disent-ils, dans le même temps, et c'est le paradoxe, l'autorité gouvernementale se réduit. Et vous avez en parallèle, pour soutenir cette thèse, toute une série de théories qui ont en commun d'être des figures du cercle vicieux, de la pente glissante, des théories de la pente infernale. On va dire qu'en cédant aux revendications populaires, en essayant de restaurer sa légitimité, le gouvernement attise les appétits. Les attisant ces appétits et leur cédant, cela produit une crise fiscale ou budgétaire de l'État qui fait qu'on ne peut pas répondre jusqu'au bout à ces demandes qu'on a soi-même stimulées, ce qui produit de la frustration, ce qui remet son mal dans la machine pour un processus circulaire qui va approfondir la crise à chaque tour en spirale, avec une autre conséquence fâcheuse de ce point de vue-là, c'est que chaque fois qu'on fait des concessions, le rapport de force sociale devient de plus en plus favorable à une classe ouvrière que l'on dit trop combative, à laquelle aussi on assigne la cause de ce qu'on appelle l'étranglement du profit, le profit squeeze de la fin des années 60. Bref, il faut absolument réagir. Si vous voulez, ce qui est très important de comprendre dans ce moment historique-là, c'est que on nous présente très souvent l'État-providence, la démocratie-providence des Trente Glorieuses comme ayant été un étouffoir des luttes, une sorte de compromis historique qui aurait permis à la fois une forte croissance et puis une modération, une pacification sociale. Au milieu des années 70, c'est plus du tout comme ça que les classes dominantes le perçoivent. Pour eux, cette fonction-là, si tant est qu'elle ait joué son rôle, s'est retournée en son contraire. Ce que ça fait au contraire, c'est que ça met le feu aux poudres, que loin d'être un étouffoir des luttes, c'est au contraire un carburant qui les alimente et avec lequel il faut en finir. La conclusion à laquelle on arrive, et elle est formulée de manière explicite par toute une série d'auteurs, non seulement les néoconservateurs comme Huntington, mais aussi des néolibéraux, comme ceux que je vais citer à présent, les économistes Jensen et Meckling, c'est des économistes de premier plan, Jensen aura l'équivalent du prix Nobel d'économie, c'est qu'il y a, en fin de compte, incompatibilité radicale entre démocratie et économie de marché, entre démocratie et capitalisme. Jensen et Meckling, en 78, ici un article, dans lequel ils se posent la question, est-ce que l'entreprise va survivre ? L'entreprise capitaliste. Leur réponse, c'est, on ne parierait pas là-dessus. Si ça continue comme ça, si les tendances s'approfondissent, alors, disent-ils, d'ici 10 ans, c'est plié, on aura quoi ? On aura des entreprises publiques, parce que la plupart auront été nationalisées, d'un côté, et de l'autre, des entreprises qui seront passées sous autogestion ouvrière. Un pessimisme profond qui est aussi une stratégie rhétorique, des exhortations à la contre-offensive, à se remobiliser, destinées à leur propre classe. Comme le dit Huntington, à l'époque, on ne peut compter sur aucune main invisible pour assurer la viabilité des politiques démocratiques. Autrement dit, une chose est sûre, il va falloir intervenir. Toute la question est de savoir comment. Vers quoi ça va? Quelle solution à ce problème? On ne sait pas trop. Du moins, il y a plusieurs options sur la table. Et c'est ces options-là que je vais essayer de passer en revue maintenant. La première, c'est celle que Nikos Poulantzas, à l'époque, 1976, appelait... Poulantzas, c'est un marxiste, on est dans l'autre camp. Il appelait ça, c'est son pronostic à l'époque, on va se diriger vers un étatisme autoritaire social. Un étatisme autoritaire social, c'est-à-dire un type de régime qui va combiner une restriction des libertés formelles, d'un côté, et de l'autre, un accaparement des sphères sociales et économiques. Vous voyez son schéma, c'est un état autoritaire qui restreint les libertés, d'un côté, mais qui, dans le même temps, demeure interventionniste, voire dirigiste dans les affaires économiques et sociales, avec un néo-corporatisme Et en fait, Huntington, c'est le type de scénario qu'il a en tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour ce néoconservateur, c'est pas l'option néolibérale qu'il a en ligne de mire. Hein. En fait, ni Poulenzas, ni Huntington, au milieu des années 70, ne voient se profiler le tournant néolibéral dont on sait ensuite que ça a été la solution principale. Alors, des charges, c'était effectivement une option parmi d'autres qui n'était pas sûre de l'emporter. Alors, l'option néolibérale, quelle est-elle ? Il y en a finalement deux grandes variantes. Et la première, la plus terrible et la plus spectaculaire, mais ce n'est pas la seule, c'est le Chili. Coup d'État de Pinochet le 11 septembre 1973 contre le gouvernement socialiste d'Allende, une répression sanglante, les trois premières années, plus de 100 000 arrestations avec emprisonnement, plus de 5 000 exécutions, des tortures, des camps, des syndicats éradiqués, des opposants conduits à l'exil, et ceci, la chose est connue, pour produire une politique économique néolibérale menée par ceux qu'on a appelés les Chicago Boys, des jeunes économistes chiliens qui avaient étudié à Chicago. Or, les grandes figures du néolibéralisme de ces années-là soutiennent et défendent publiquement le régime de Pinochet. Milton Friedman s'y rend, la chose est connue à deux reprises, c'est le livre de Naomi Klein, discute avec le dictateur en personne de thérapie du choc. Mais il n'est pas le seul, ils y vont à peu près tous. Hein. Il y a une conférence, un congrès de la Société du Mont Pèlerin, qui est à la fois le berceau et le fer de lance du néolibéralisme, qui se tient en 1981 dans une charmante station balnéaire à Viña del Mar, au Chili. Et Hayek, lui-même, s'y rend à deux reprises, 77 et 81. Et en 81, il rencontre à son tour Pinochet. Mais il ne fait pas que ça, il donne... Avant de revenir en Europe et de publier plusieurs textes qui défendent la dictature dans le Times, il donne plusieurs interviews à la presse chilienne, des interviews que je cite et que j'étudie dans le livre, et qui valent vraiment le détour. Ceci, une remarque, mais en connaissance de cause. Hein. Ces gens-là connaissaient l'ampleur de la répression parce qu'on leur avait adressé personnellement les rapports d'Amnesty qui les détaillaient. Donc ce n'est pas par ignorance de ce qui se passait au Chili qu'ils défendent le régime. Interview donnée par Hayek au quotidien El Mercurio en 81. Que dit-il ? Première citation. La dictature peut être un régime nécessaire pendant une période de transition. Vous voyez, c'est une justification de la dictature, non pas dans l'absolu, mais comme un phénomène transitionnel, une sorte de théorie de la dictature de la bourgeoisie, si vous voulez. Deuxième citation. Je préfère, dit-il, un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme. Alors, excellent. Quel est le statut de ces déclarations ? Il faut être clair là-dessus. Hayek, quand il déclare qu'il préfère une dictature libérale à une démocratie qui ne le serait pas, il n'a pas dérapé. Ces déclarations-là, elles sont en cohérence parfaite avec des décennies d'élaboration théorique de sa part. Et pourtant, ça ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait de la doctrine de Hayek, cette défense d'une part de la dictature libérale de transition et d'autre part du dictateur libéral par préférence avec la démocratie qui ne le serait pas. Parce que l'image qu'on a habituellement du néolibéralisme de Hayek, c'est celle d'une doctrine animée viscéralement par une phobie d'État, par un anti-étatisme radical. Et en effet, il y a de quoi être perplexe parce que Hayek n'a cessé, dans le même temps, d'affirmer et avec constance, je cite, que le libéralisme se caractérisait par l'exigence d'une stricte limitation des fonctions coercitives du gouvernement. Stricte limitation des fonctions coercitives du gouvernement. Alors comment est-ce qu'il peut à la fois définir le libéralisme de cette manière et affirmer la compatibilité du libéralisme et de la dictature ? Le problème, c'est qu'il ne se contente pas de dire qu'une dictature politique peut appliquer un programme économique libéral. Il dit beaucoup plus que ça. Je cite encore Hayek. la liberté personnelle peut être mieux préservée sous un régime autoritaire que sous un gouvernement démocratique. La liberté personnelle peut être mieux garantie sous la dictature que sous la démocratie. Mais bien sûr, sous Pinochet, la liberté personnelle, la liberté politique élémentaire de rassemblement, ou de se présenter aux élections, par exemple, ni non plus les libertés civiques fondamentales, dont celle, par exemple, de ne pas être soumis à la détention, à l'arrestation ou à l'exécution arbitraire, n'étaient, à l'évidence, garanties, bien au contraire. Autrement dit, pour tenir un tel énoncé, pour affirmer la compatibilité de la démocratie et de la liberté personnelle, vous voyez que, en amont, il faut avoir redéfini ce que la liberté signifie. Vous voyez que c'est un penseur assez redoutable parce qu'il travaille sur les catégories fondamentales. Il redéfinit le lexique de la pensée politique. Mais en quel sens est-ce que la liberté doit être redéfinie pour qu'un tel énoncé soit possible? Elle doit être sacrément rabotée, elle doit être réduite à quoi? À la liberté économique, une liberté qui se résume à la libre disposition de sa propriété pour les possédants, une liberté conçue comme non-interférence de la puissance publique ou de l'État avec le libre usage de sa propriété. Et tel est le contenu de la notion libérale de liberté. On nous dit que le libéralisme, c'est la défense de la liberté, et son opposé de gauche, ce serait la défense de l'égalité. Non, c'est pas une défense de la liberté en bloc, c'est la défense de la libre disposition de la propriété contre, le cas échéant, les libertés politiques et civiles. Mais Hayek va encore plus loin, parce que lui, qui a le goût du paradoxe, dit non seulement que la dictature est compatible avec la liberté bien comprise, mais que la démocratie peut être totalitaire. On lui pose la question, dans ces années-là, Monsieur Hayek, quelle est votre position face au régime totalitaire, au pluriel, d'Amérique du Sud? Et Hayek répond, mais non, je vous arrête, des régimes totalitaires en Amérique du Sud, il n'y en a pas. Enfin, il y en a eu un. Le seul régime totalitaire qu'il y ait eu en Amérique du Sud, c'était le Chili, mais le Chili d'Allende. C'était ça, pour lui, un régime totalitaire, c'est-à-dire, vous voyez, un gouvernement démocratique non libéral qui vise à soumettre l'économie, la sphère de la libre disposition de sa propriété, à une finalité politique, ce qui suffit, dans ces catégories, à définir un gouvernement totalitaire. De façon plus générale, vous avez là le leitmotiv de la pensée de Hayek depuis au moins 1944, et son essai « La route de la servitude ». Cette idée que, si vous laissez faire une démocratie illimitée, alors ce type de régime, la démocratie, tend inexorablement à tomber dans autre chose, à tomber dans le totalitarisme, et que donc, il faut absolument poser des bornes à la démocratie. Ou, comme il le dit encore, c'est son expression, limiter la démocratie, détrôner la politique. Je voudrais faire une remarque ici qui est importante, mais que je n'ai pas le temps de développer, et que vous retrouverez de manière plus détaillée dans le livre. Si on cherche quelle est la source de ce thème paradoxal d'une démocratie totalitaire, quelle est la source pour Hayek de ce thème-là, on tombe sur quelque chose qui, moi, m'a complètement surpris, parce que je ne pensais pas que c'était le cas, mais pourtant, quand on épluche ces notes de bas de page et ces lectures, c'est bien de ça qu'il s'inspire. Cette idée d'une démocratie à tendance totalitaire, il la tire de ses lectures de jeunesse, lectures des années 20 et 30, en contexte donc germanique, et plus précisément de sa lecture de Carl Schmitt, juriste, philosophe du droit, mais aussi chronioriste du Reich, avocat, officiel du régime nazi et intellectuel de premier plan de ce régime. Ce que je montre dans le livre, c'est que C'est la critique schmittienne de la démocratie parlementaire sous Weimar qui a servi de matrice cachée pour la critique hayekienne de la démocratie, en premier lieu, et pour la formation du motif que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir de cette reconstruction conservatrice de la théorie d'une crise de gouvernabilité de la démocratie aux États-Unis dans les années 70. Ce que je montre aussi, c'est que les solutions imaginées par eux pour en sortir reprennent dans différentes variantes la solution proposée par Schmitt, solution que un de ses adversaires de l'époque, en 1932, le juriste antifasciste Hermann Hela, avait qualifié de libéralisme autoritaire. Alors, libéralisme autoritaire, qu'est-ce que ça signifie? Je crois que on peut essayer de résumer le sens de cette formule par une maxime, un slogan. Le libéralisme autoritaire, son slogan, ce serait un État fort pour une économie libre. Ce slogan, cette formule, vous la trouvez chez Schmitt dans les années 30, mais pas seulement chez lui, avec un autre sens, de façon moins stricte concernant l'autoritarisme. Vous la trouvez également chez Alexander Rousseau, qui est l'un des pères fondateurs de l'ordolibéralisme allemand, si vous voulez, la branche continentale du néolibéralisme, et vous la trouvez aussi, sous une autre version encore, mais avec quasiment les mêmes mots, pour qualifier le thatchérisme. Thatcher, c'est un État fort pour une économie libre. Ça veut dire quoi, de manière très schématique, deux choses. Un, que pour libéraliser la société, pour défaire les politiques de l'État social, il faut un État qui soit politiquement, institutionnellement, policièrement fort, parce que faire ça, ça implique des résistances, et donc des confrontations face auxquelles il faut être extrêmement ferme. Et c'est une formule de Schmitt dans le texte de 32 que je cite, dépolitiser la société, c'est un acte paradoxalement intensément politique, et c'est pour ça que ça requiert un État très fort. Et deuxièmement, cette autorité, cette force, poussée à son intensité, elle doit néanmoins être contenue dans des limites très étroites. C'est ça le paradoxe. Si vous voulez, c'est la formule classique de Benjamin Constant sur le rapport de l'État au gouvernement. À la fois, le gouvernement doit être restreint dans une sphère bien délimitée, mais dans cette sphère-là, sa puissance ne saurait être trop forte. Elle doit se déployer dans cette sphère à son intensité possiblement maximale. Bref, si vous voulez, le libéralisme autoritaire, c'est un État fort, fort avec les faibles, et faible avec les forts, socialement parlant. Ça, je crois que c'est extrêmement important, parce que ça s'inscrit en faux contre une idée erronée, cette idée que j'ai mentionnée tout à l'heure, selon laquelle le néolibéralisme serait un anti-étatisme ou une forme d'anarcho-capitalisme. Bien sûr, dans les rangs de la théorie néolibérale, on a des anarcho-capitalistes, mais les courants qui sont à la manœuvre, stratégiquement aujourd'hui, ils ne sont pas sur cette ligne-là. Le néolibéralisme, je crois qu'on pourrait le redéfinir comme un projet de redéploiement asymétrique du pouvoir d'État, un projet de renforcement et d'affaiblissement en même temps du pouvoir d'État, au service de quoi? Au service d'une politique, d'un programme économique, de redistribution oligarchique de la richesse. Alors, ce libéralisme autoritaire, je vous l'ai dit, il connaît plusieurs versions. La première, c'est la dictature néolibérale, c'est Pinochet. Mais ce n'est pas la seule. Quand vous lisez les néolibéraux de ces années-là, de manière assez constante, et ça c'est Milton Friedman qui le dit, c'est le Chili, Pinochet, c'était l'exception, mais ce n'était pas la règle. Je crois qu'il faut les prendre au sérieux. La dictature militaire, le fascisme, pour les libéraux, ce n'est pas le premier choix. En dernière extrémité, face à une menace socialiste imminente, on est tout à fait prêt à s'y rallier, mais ça comporte aussi des risques politiques non négligeables. Et on a bien conscience qu'on ne peut pas exporter Pinochet partout, que que ce n'est ni possible ni absolument nécessaire. D'où la question qui se formule comme suit. Encore une fois, c'est pas moi qui plaque une grille de lecture sur les textes, c'est dit comme ça. Hayek, notamment, le dit comme ça. Comment faire pour limiter la démocratie? Et pour faire ça, disons, à pas plus feutré qu'à grand bruit de bottes, comment pourrait-on limiter la démocratie de l'intérieur sans lui mettre un fusil sur la tempe? Peut-on faire ça? Et peut-on le faire sans rompre trop ouvertement avec les principes de la démocratie formelle? Parce que sinon, puisque nous vivons, disent-ils, un régime de démocratie illimitée, je vous rappelle que démocratie illimitée, c'est la démocratie de Giscard, de Carter, de Nixon et de Pompidou. Enfin, il faut quand même avoir à l'esprit ce que signifie démocratie illimitée pour ces gens-là, pour se faire une idée par contraste de leur conception de la démocratie. Alors, la solution, elle va découler du diagnostic. Si la crise de gouvernabilité de la démocratie, elle tient à une vulnérabilité excessive, à une trop grande réceptivité des gouvernements par rapport aux demandes populaires, par rapport aux revendications, alors, pour la régler, il faut trouver quoi? Il faut trouver un moyen d'insulariser les gouvernements, de les mettre hors d'atteinte des remous d'une politique démocratique subalterne. Autrement dit, il faut trouver des moyens de verrouiller les marges de manœuvre de la décision gouvernementale par le haut. Si on prend une image, c'est la ruse d'Ulysse. Les sirènes chantent. Comment faire pour ne pas être entraîné par le mouvement? On peut attacher le navigateur à son mât. Faire pareil pour l'État, pour les gouvernements. Or, dit Hayek, ça, on a très longtemps cru que c'était impossible. Que c'était impossible de limiter la démocratie, même formelle, de l'intérieur sans rupture majeure. Mais lui, il pense qu'il a trouvé la solution. On a longtemps cru que c'était impossible, dit-il, parce qu'on avait oublié, je cite, que le pouvoir de toute autorité gouvernementale pouvait être borné par des règles de long usage que personne n'avait le pouvoir de changer ou d'abroger. Bon, Hayek, à l'écrit, c'est pas toujours très très clair. Hein. Il veut dire quoi? Il veut dire une chose très simple. Il veut dire que pour borner un pouvoir gouvernemental, on peut s'appuyer sur un dispositif qui existe déjà, qui est celui glorifié par le libéralisme politique classique, à savoir la Constitution. Des gouvernants ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, leur latitude n'est pas sans limite, parce qu'elle est bornée par des méta-règles, par des règles sur la formation des règles, qui délimitent ce qui est possible de faire dans cette forme de régime. Limitation sur les droits fondamentaux. Mais l'idée de Hayek et des néolibéraux, c'est d'utiliser cet instrument pour quoi faire? Pour constitutionnaliser de manière économique la politique. C'est ça le projet, limiter par des dispositifs constitutionnels les marges de manœuvre de la décision politique par des règles de second niveau. Alors, je vais vous épargner les détails du projet de constitution de Hayek, celui qu'il envoie à Pinochet, pour vous dire quel est l'enjeu. Hayek est quelqu'un qui dit les choses de manière assez frontale. Quel est l'effet de sa constitution? Il l'écrit: une fois qu'on aura ainsi limité la démocratie, alors il deviendra impossible à des gouvernements élus de prendre des mesures socialistes de redistribution, et même sans aller jusque-là, il deviendra impossible, dit-il, de mener toute intervention sur le marché pour corriger la répartition des revenus. Vous voyez, derrière la limitation constitutionnelle de la politique, l'interdit fondamental, c'est de toucher à l'ordre dit spontané des inégalités sociales. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Hein. Limité, verrouillé par le haut. Sauf que la crise de gouvernabilité dont je vous ai parlé, elle avait deux étages et non un seul. Reste, une fois que vous avez fait ça, un second problème. Comment neutraliser, faire refluer le déferlement démocratique subalterne qui inquiétait tant Huntington? Et là encore, il y a toute une pléthore de tactiques, dont parmi elles, celle dont on fait très souvent l'expérience, des tactiques de répression, de répression policière, mais il y en a aussi des plus fines, des procédés plus capillaires de neutralisation de la politique subalterne. Et je voudrais vous donner un exemple de ce type de stratégie-là. Une technique politique qui, vous allez le voir, est encore très active aujourd'hui et qu'on a appelée la micro-politique de la privatisation. Cette expression-là, micro-politique de la privatisation, on la doit à un courant de néolibéraux qui s'appelle le groupe de Saint-Andrews, du nom de l'université écossaise dans laquelle ils ont fait leurs armes. Alors, comme ces gens-là n'avaient ouvert ni Foucault, ni Deleuze, ni Guattari, ils sont persuadés, au début des années 80, d'avoir inventé un nouveau mot, la micropolitique, la version néolibérale. C'est un groupe important, des praticiens, ils ont été conseillers de Thatcher, mais aussi conseillers techniques de l'administration Reagan. C'est eux qui ont donné les procédés effectifs de privatisation pour les gouvernements néolibéraux. Pour mettre en place, élaborer leur micro-politique de la privatisation, ils commencent par une critique en règle de leurs petits camarades, c'est-à-dire des néolibéraux en politique, à la fin des années 70, début des années 80. Ils leur disent en gros, vous vous trompez, vous n'avez pas la bonne stratégie. Vous n'avez pas la bonne stratégie, et de fait, quand vous arrivez au pouvoir, quand vous arrivez à convaincre suffisamment, les gens suffisamment, en tout cas, pour remporter les élections, eh bien ça patine. Ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, et ceci parce que vous êtes confronté à des dynamiques adverses, et que vous, surtout vous n'avez pas la bonne stratégie. Ils leur font une série de critiques. La première, c'est une critique de ce qu'ils appellent la bataille des idées. Les néolibéraux à l'époque, et j'en cite plusieurs exemples dans le livre, pensent pour certains que face à ce qu'ils interprètent comme une offensive menée par des mauvais maîtres gauchistes, il suffirait de faire du contre-bourrage de crâne pour renverser la tendance. Les néolibéraux de Saint-Andrews leur disent que c'est une mauvaise façon de poser les choses, que c'est avoir une mauvaise conception de quoi ? Une mauvaise conception des rapports entre théorie et pratique. Théorie et pratique, vous voyez, c'est un vocabulaire marxiste. Et c'est pas un hasard parce que Madsen Piri, qui est l'un des chefs de file de ce courant-là, cite Che Guevara et Lénine. Un véritable homme d'action pour l'un, un vrai héros, dit-il, pour l'autre. C'est assez étonnant de lire ce texte parce qu'on a l'impression d'assister à un nouveau style en politique, une sorte de style bolcho-libéral en politique. Alors, mauvaise conception des rapports entre théorie et pratique parce que ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Leur disent-ils, il vous faut d'abord changer les comportements des gens, les façons d'agir, les pratiques. Et ensuite, de cela, si vous arrivez à le faire, tout le reste découlera. Dans ce sens-là, et pas dans l'autre. La seconde erreur, disent-ils, c'est que les néolibéraux en politique pensent que la seule solution pour réformer ou contre-réformer, c'est d'y aller au forceps. Par exemple, de dénationaliser en bloc un service public. Or, si on fait ça, leur répondent-ils, ça suscite des levées de boucliers en masse, des batailles centrales qu'on risque de perdre, et donc il faut adopter des procédés moins voyants, moins visibles, plus progressifs. Troisième erreur qui est la précédente, on cherche, quand on veut privatiser en bloc un service public, à couper net l'offre de services, mais sans avoir fait au préalable baisser la demande sociale qui est aimantée sur l'État. Si vous voulez faire ça dans cet ordre-là, alors disent-ils, c'est un petit peu comme si vous vouliez empêcher l'eau de bouillir en appuyant bien fort sur le couvercle. Il faut trouver des moyens de faire refluer la demande sociale avant de couper l'offre. Quatrième objection, quatrième critique, enfin, ce qu'ils reprochent aux néolibéraux en politique, donc leurs petits camarades, c'est d'être incohérents. Incohérence entre ce qui est dit en théorie dans l'analyse économique, ce qui est proposé en politique. Quel est le gain de l'analyse néolibérale, néoclassique, en économie ? Eh bien, c'est d'avoir une approche fine, microéconomique. Cette idée que les changements sont à analyser et à étudier au niveau même des individus rationnels, des micro-choix et des conditions de ces micro-choix. Or, disent les néolibéraux de Saint-Ambroise, dès que vous arrivez en politique, vous faites l'inverse. Vous proposez des grands slogans macro-politiques hors sol et vous oubliez vos propres principes. Or, qu'est-ce qu'il faut faire, au contraire, en politique, si on veut gagner, disent-ils, c'est avoir l'équivalent pratique d'une microéconomie, avoir inventé une micro-politique qui n'analyse pas, qui n'interprète pas seulement les choix, mais qui en change les conditions. Ne pas simplement interpréter les micro-choix, mais modifier par une ingénierie politique fine les conditions même des choix des individus, de vous et de moi. Alors là, ça c'est abstrait, mais je vais vous donner des exemples. Ces micro-politiciens, ils publient des manuels, des guides pratiques. Madsen Piri liste jusqu'à 22 tactiques de privatisation. Je ne vais pas les faire toutes. Je vous en donner juste quelques-unes pour vous faire mieux saisir la logique. Première méthode ou premier principe, ce qu'il appelle le micro-incrémentalisme. Exemple. Si vous voulez en finir avec un service public, il ne faut pas le dénationaliser d'un coup. Vous pouvez faire quelque chose de plus habile, c'est ouvrir le secteur à la concurrence. On va laisser l'offre publique intacte, promis, juré, l'État restera l'actionnaire majoritaire, mais on va développer une alternative privée. Exemple, la libéralisation en 1980 par une Margaret Thatcher toute fraîchement élue. De quoi ? Des bus interurbains britanniques, dans l'optique de préparer la libéralisation du chemin de fer. Les bus Thatcher, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, ça me rappelle quelque chose. Et la beauté de ce procédé, disent-ils, c'est que, vous voyez, c'est les gens eux-mêmes, les individus, en votant avec leur porte-monnaie, par leur micro-choix de consommateurs et de clients, qui deviennent les moteurs du changement. Vous n'avez pas besoin de dénationaliser d'un coup le transport ferroviaire. Mais si vous réussissez à libéraliser, à ouvrir le secteur à une concurrence ou à une autre, alors s'engage un processus qui aboutira, in fine, au même. Mais vous n'avez pas besoin de passer en force. Pas besoin, si vous voulez, de couper la poutre à la hache quand vous disposez dans le bois de milliers de petites bouches de termites qui rongent la structure. Autre méthode, après le micro-incrémentalisme, qui consiste à acheter l'adversaire. Le principe, c'est qu'il faut toujours offrir quelque chose en échange de la perte. En 1983, Thatcher avait prévu de privatiser British Airways. Vous avez 20 000 postes sur la sellette, un salarié sur trois. Comment vous faites ? Si vous licenciez tout le monde, c'est risqué. Vous risquez d'avoir une véritable opposition. L'autre tactique, ça a été d'offrir un gros chèque, l'équivalent de 2 ans de salaire, en échange d'un départ volontaire. Vous voyez, c'est une tactique psychologique qui consiste à jouer sur un effet de distorsion temporelle. On vous offre un gain immédiat que l'on échange à la place d'un avantage durable que vous auriez pu conserver si vous aviez lutté pour le garder, mais que vous échangez contre un leurre. Et cette tactique-là, elle connaît bien des déclinaisons. Plutôt que d'offrir aux gens de leur acheter leur propre avenir contre un leurre, vous pouvez aussi leur promettre à eux qu'ils conserveront leurs avantages s'ils acceptent de sacrifier non pas donc leur propre avenir, mais l'avenir des autres, l'avenir des nouveaux entrants. Pourquoi, par exemple, vous mobiliseriez-vous, vous, pour la défense d'un statut que, promis juré, on ne va pas vous enlever à vous ? Pourquoi vous en soucier alors que vous n'êtes pas personnellement concerné ? Un des exemples qu'il donne, outre le statut, les loyers. Un cas où le marché locatif est encadré et plafonné. Comment faire pour le déréguler ? Si vous changez le contrat de location pour tout le monde d'un coup, problème, confrontation politique. c'est-à-dire les nouveaux entrants, les nouveaux locataires, eux auront des contrats de nouveau genre. Mais vous, tant que vous restez dans l'appartement, vous l'aurez. Et c'est tout bénéfice. À l'arrivée, d'ici, il ne faut pas être pressé, 10, 20, 30 ans, on sera arrivé au même résultat, mais on aura évité de payer le coût politique qu'une macro-politique aveugle aurait dû s'acquitter. La micro-politique néolibérale, elle pense à l'échelle de plusieurs générations, elle pense et elle stratégise des mutations à très long terme. Je vous donne encore un exemple de cette même méthode. Régime de retraite. Encore une fois, c'est des exemples qui sont donnés dans ces manuels. Vous voulez faire passer votre réforme des régimes de retraite. Donc, prenez bien soin de préciser que personne ne sera affecté par ces changements, on est dans les années 70-80, avant la fin du siècle. Faire cela, écrit-il, cela consiste à, en quelque sorte, acheter les générations présentes au détriment des générations futures. Vendez-nous les générations futures, vos enfants, vos petits-enfants, et vous, vous serez épargnés. La micropolitique, c'est pas simplement avancer pas à pas, c'est aussi une forme de mesquinerie. Ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez, et qu'importe, puisqu'après tout, vous-même, vous ne serez pas affecté, vous passerez entre les gouttes, et après vous, le déluge. Vous voyez, la ruse, c'est qu'en faisant des micro-choix individuels, on choisit aussi, c'est ça le pari, mais sans le savoir, sans le vouloir, de manière inconsciente, un modèle de société. La ruse, c'est de ne jamais poser aux gens la question à cette échelle. Ne jamais leur poser la question du choix de société, mais dissoudre cette grande question dans une multitude de petites questions qui sont celles d'une société de choix, de micro-choix. Ensuite, l'image d'ensemble, on la verra peut-être en prenant du recul et en s'apercevant du paysage qui a ainsi été modifié par petites touches, mais qui est complètement altéré. Et on aura l'image d'une société qu'on aura choisie en détail, mais qu'on n'aurait sans doute jamais choisie en bloc si l'image finale, le télos du mouvement, nous avait été soumis ou proposé. Mais dire ça, ça c'est une remarque importante, c'est-à-dire décrire l'efficacité de ces micro-procédés, ne veut pas dire que pour ces théoriciens-là, il n'y aura pas besoin aussi d'avoir des batailles centrales. Un changement de statut, une ouverture à la concurrence, ils le savent, ça va entraîner des conflits sociaux et politiques majeurs, et les micro-politiciens le savent et l'assument, ces batailles macro, il faut les mener, parce que, vous voyez, ce qu'ils disent, c'est que si vous arrivez à opérer ce changement, alors vous n'avez plus à le faire ensuite. Il suffirait de ne le faire qu'une fois pour enclencher les processus. Et si vous avez ça en tête, vous comprenez pourquoi, dans ce type de conflit, les gouvernements néolibéraux font preuve d'une telle pugnacité, pourquoi ils ne lâchent à ce point rien. C'est parce que pour eux, ce sont des batailles cliquées, des actes fondamentaux et centraux qu'on fait une seule fois et ensuite ça s'enclenche, sans plus qu'on ait quasiment à guider le processus dans l'autre. Alors, tous ces exemples le montrent, je crois, assez suffisamment. À quoi est-ce qu'on a affaire ici? On a affaire à des manœuvres théorisées, intentionnelles, de modification, ou plutôt d'altération des mœurs. Il s'agit de changer en profondeur, d'altérer nos manières de penser, d'agir, de se conduire soi-même, et de se comporter avec les autres, et de changer ou d'altérer tout ça dans une direction clairement repérable, qui consiste à inciter en chacun de nous à suivre nos inclinations les plus insociales. On a beaucoup dit que le néolibéralisme était une idéologie. Moi, je ne crois pas que c'est en tant qu'idéologie que le néolibéralisme a pu remporter ses succès ou ses batailles. Eux-mêmes, ces théoriciens le reconnaissent. Milton Friedman le dit, je le cite dans le livre, et c'est pas le moindre des paradoxes, c'est que le néolibéralisme, comme idéologie, ce n'est pas très vendeur. Qu'est-ce que c'est plus précisément? Je crois que c'est une technologie et même une étonomie, je prends ce terme-là à un texte d'un anthropologue du début du XXe siècle, une étonomie au sens de une technique qui vise à rendre les mœurs conformes à ce qu'elles doivent être dans cette philosophie, dans cette logique. Je crois que l'enjeu de ces processus-là, c'est d'opérer une mutation d'ordre anthropologique. Je crois que c'est à ça aussi que nous sommes confrontés et qu'il faut en prendre toute la mesure.